Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour des pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Aujourd'hui, 4e épisode, comment rester droit quand tout s'effondre. Vous qui êtes encore au lit, vous qui ne voulez pas vous réveiller, vous qui avez tendu la main vers la table de nuit pour allumer la radio et écouter les chemins de la philosophie, tendez l'oreille. Marc Aurèle a quelque chose à vous dire à voix basse. À l'aube, quand tu as du mal à te réveiller, pense immédiatement « Je m'éveille pour faire ma tâche d'homme ». Dès lors, pourquoi maugréer, puisque je vais faire les choses en vue desquelles je suis né, pour lesquelles j'ai été envoyé dans l'univers? Ai-je été fabriqué pour rester couché au chaud sous mes petites couvertures? Mais c'est plus agréable. Alors tu serais né pour le plaisir? Mais il faut aussi prendre du repos. C'est vrai. Je suis d'accord, mais la nature a mis des bornes au repos. Bonjour Pierre Vesperini. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes bien réveillé ? Oui, oui, absolument. Ça fonctionne, le conseil de Marc Aurèle à celui qui n'arrive pas à se réveiller, de se dire « pense à ta tâche d'homme ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ah, ben ça, c'est... Alors, est-ce que ça fonctionne, justement ? Lui, il a besoin de se dire qu'il a été, on l'entend dans le texte, qu'il a été envoyé dans le monde pour faire une certaine tâche, un certain métier. Et en fait, pour comprendre le texte qu'on vient d'entendre, il faut comprendre que en fait, c'est des choses qu'il s'écrit à lui-même pour rester droit, ce qu'il appelle rester droit, c'est-à-dire faire ce qu'il doit faire. Donc en fait, il se réveille, il n'a aucune envie de se réveiller, donc il va se raconter qu'il a été envoyé, qu'il doit aller faire sa tâche d'homme, et de cette façon, il va se redresser. Ça, c'est un terme qu'il emploie. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les pensées de Marc Aurèle, mais c'est pas le titre du, c'est un titre moderne. En fait, c'est pas des pensées, ce sont des choses qu'il se dit à lui-même pour rester droit. Et ce qui est très intéressant, dans ce texte, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que, en fait, il y a même un dialogue entre lui et lui. Oui. Bon. Il dit, est-ce que donc tu es né pour le plaisir? Et donc, et là, il répond, mais non, c'est pas possible, je suis pas né pour le plaisir, je suis né pour faire ma tâche d'homme dans un univers où tout est ordonné, tout est à sa place. Et donc, cette idée de but, elle est absolument fondamentale. Tout a un but. Alors, c'est là où la question, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne si vous y croyez. Oui. Effectivement, parce que, après tout, pourquoi ne pas dire, mais non, je suis né pour profiter, pour rester au lit. Couché au chaud sous mes petites couvertures, ben oui, comme il écrit. Pourquoi pas? Ben oui, donc, en fait, ça va pas de soi. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, hein, Pierre Vesperini. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, enseignant à l'EHESS. Vous avez écrit un ouvrage sur Lucrèce, qui était paru l'an dernier aux éditions Fayard, et vous êtes l'auteur de Droiture et mélancolie, un ouvrage sur les écrits de Marc Aurèle qui est disponible aux éditions Verdier et dans lequel vous prenez vos distances avec les lectures traditionnelles de Marc Aurèle. On a pu l'entendre cette semaine, on a beaucoup parlé de Pierre Hadot, à qui l'on doit l'expression d'exercice spirituel appliquée notamment à Marc Aurèle. Michel Foucault aussi qui peut, à partir de Marc Aurèle, mettre en place l'expression de souci de soi. Deux auteurs qui présupposent une certaine attitude de Marc Aurèle à l'égard de lui-même et de la philosophie, que vous mettez en question, et vous insistez davantage, on l'a entendu parce que vous avez déjà employé ce mot, sur la droiture. Pour vous, les pensées de Marc Aurèle invitent à une forme de droiture à l'égard de l'existence. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez dit « pour moi ouais. », mais justement, c'est pas « pour moi », c'est-à-dire je ne pars pas d'idées préconçues, justement, sur le texte. Et si je parle de droiture, c'est parce que Marc Aurèle en parle. Mais c'est pas pour vous, c'est... Non, non, pas je veux dire... C'est non, ce qu'il dit, c'est ça que vous non, dites. Non, c'est ça, je veux dire, c'est vraiment une chose que je repère dans le texte, donc ce thème de la droiture. Mais en fait, ça se décline sous d'autres mots. Il parle aussi de unité, il faut être un, il faut être nu aussi, gumnos, il faut être simple. Bon. Mais la droiture, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre en le resituant dans son monde, en fait, où l'éthique consistait à rester droit. Donc, c'est-à-dire à ne pas dévier. Et ce qui vous fait dévier, c'est les affects. Donc ce sont les affects de peur, de colère, de rage, les affects, le désir sexuel, le deuil, le chagrin, la dépression, on dirait aujourd'hui. Bon, c'est des choses qui vous font dévier de ce que vous devez faire en tant que, ça je cite Marc Aurèle, en tant qu'homme, en tant que romain, en tant qu'empereur, etc. Bon, tout le monde n'est pas empereur, mais tout le monde est homme ou citoyen. Donc voilà, donc vous avez des devoirs à accomplir et les passions vous font dévier. Et donc, l'éthique consiste en ce que les anciens appelaient une orthopraxie. Orthopraxie, droit et praxie, c'est l'action. Une autre expression que Marc Aurèle emploie, c'est « il faut construire ta vie action après action ». Kata, mian, praxin. Donc, action après action. Et maintenant, donc, pour revenir au début de votre question... Il y a en fait deux choses à distinguer. Il y a d'abord l'approche traditionnelle de Marc Aurèle et il y a ensuite l'approche de Pierre Hadot et de Michel Foucault. Parce que c'est pas forcément lié. L'approche traditionnelle, mais comme souvent la tradition est récente en réalité, c'est une approche qui consiste à voir Marc Aurèle comme un philosophe stoïcien au même titre que Sénèque ou Épictète. Et ça, c'est une lecture qui remonte au XVIIe siècle. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on découvre Marc Aurèle au XVIe siècle, personne ne songe à en faire un philosophe stoïcien. Y compris celui qu'on peut considérer comme l'initiateur du néo-stoïcisme, Juste Lipse, qui, dans son introduction au stoïcisme, ne mentionne pas Marc Aurèle. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que parfois les savants disent « Ah, mais c'est incroyable, ils n'ont pas compris qu'il était stoïcien. Bon. » En réalité, c'est une lecture qu'on a imposée à ce texte qui, même s'il fait usage de notions stoïciennes, n'implique jamais une adhésion de l'empereur à une foi, entre guillemets, stoïcienne. La preuve, c'est que une des preuves, c'est que très souvent, il se dit que peut-être ce sont les épicuriens qui ont raison. Alors, il faut juste préciser même chronologiquement les choses. Oui. Marc Aurèle, c'est 2e siècle après Jésus-Christ. Oui. Ce que vous citez, que ce soit Épictète ou Sénèque, c'est avant, c'est même encore plus avant, si on remonte dans le temps, il y a ce qu'on appelle le stoïcisme ancien. Mm-hmm. C'est-à-dire que Marc Aurèle arrive vraiment en dernier, quasiment, après tout ce corpus de textes. Enfin, aujourd'hui, on parle de textes écrits. Et donc, il y a quand même beaucoup de distance temporelle qui sépare Marc Aurèle de ses prédécesseurs, si on le tient pour un stoïcien. Alors, non, il n'y a pas tellement tant de distance que ça, parce que Épictète, il vit sous le règne d'Adrien, c'est donc un règne avant celui d'Antonin. Mm. Donc, et puis le stoïcisme de l'époque de Marc Aurèle, c'est vraiment ce stoïcisme impérial, donc c'est très différent du stoïcisme ancien. Mm-hmm. Donc, il utilise des concepts stoïciens, mais encore une fois, il n'a pas de foi stoïcienne, puisque, donc parfois, il envisage que les épicuriens aient raison. Qui sont les pires ennemis des stoïciens voilà, à l'époque. Donc, hein, par exemple, bon, en un mot, les stoïciens considèrent que le monde est ordonné, on parlait tout à l'heure, et que le principe, le souverain bien, c'est la vertu. Et les épicuriens considèrent que le monde est livré au hasard et aux atomes, et que le souverain bien, c'est le plaisir. Et parfois, très souvent, ça revient, peut-être, il y a ce qu'il appelle ce dilemme, cette disjonction entre les deux, et il envisage les deux possibilités. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle de Marc Aurèle, donc qui essaye de mettre le texte sur ce que j'appelle un lit de Procuste herméneutique. Donc c'est une allusion à la légende de Procuste, donc ce brigand qui mettait les gens sur une table, sur une planche, et puis donc s'ils avaient les membres plus grands, il les coupait, et s'ils avaient les membres trop petits, il les étirait. Donc il s'agit de faire en sorte que Marc Aurèle puisse cadrer avec une certaine orthodoxie stoïcienne. Ou on peut dire aussi que c'est un stoïcien éclectique. Enfin, il y a plein de façons de faire pour le rendre stoïcien. Mais encore une fois, ça n'est ni l'attitude de Marc Aurèle, ni d'une façon générale l'attitude d'un aristocrate romain. Il y a un texte d'ailleurs qui est aussi très intéressant d'un historien de l'époque des Sévères, mais donc qui parle de Marc Aurèle, et qui dit qu'il penchait surtout vers les dogmes stoïciens. Malista, donc surtout. Mais surtout, ça ne veut pas dire exclusivement. Voyez. Et pourquoi c'est important de dire qu'il n'était pas forcément stoïcien? Qu'est-ce que ça change au texte? Ça change tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'a plus affaire à un philosophe qui élabore une certaine doctrine. On a affaire à un homme qui n'est pas philosophe, qui n'est pas un théoricien, mais qui fait usage de certaines doctrines qui peuvent être stoïciennes, qui peuvent être pythagoriciennes, qui peuvent être platoniciennes, qui peuvent être épicuriennes, etc. Et cette notion de faire usage des doctrines philosophiques, faire usage des ce qu'ils appelaient des logoi, des discours, ça c'est une pratique absolument courante dans l'Antiquité. C'était donc un usage extrêmement pragmatique de la philosophie. Donc il n'a rien à voir. Mais Pierre Hadot ne dit pas autre chose. Pierre Hadot parle justement, insiste sur cet usage pratique de la philosophie tel que la met en œuvre notamment Marc Aurèle. Oui, tout à fait. Alors donc là je vais donc parler de la deuxième approche, donc celle de Pierre Hadot, et puis je parlerai aussi de Michel Foucault. Donc effectivement, Pierre Hadot dit bien que Marc Aurèle fait usage, mais il fait usage d'un certain corpus doctrinal. Ça reste toujours lié à la doctrine stoïcienne. Donc il y a toute une lecture de Marc Aurèle qui vise par exemple à le faire cadrer avec Épictète. Donc à montrer comment on retrouve dans les pensées de Marc Aurèle un schéma qui correspond aux entretiens d'Épictète, etc. Bon. Mais la critique que je ferai de cette approche, c'est pas tellement là-dessus qu'elle porte finalement. Elle porte sur la notion d'exercice spirituel, en fait. Bon, parce que c'est une notion qui n'existe pas à l'époque, et qui est une notion d'origine chrétienne, et qui, du coup, invite forcément à des lectures complètement anachroniques, à mon sens, de l'œuvre. C'est-à-dire, vous pensez à quoi, par exemple ? Eh bien, par exemple, si vous voulez, ce qui est visé dans le texte, c'est d'abord un corps. C'est pas un esprit, c'est pas un rapport de soi à soi. On n'est pas dans une vie intérieure. On est dans un soi qui est totalement social, totalement extérieur, totalement transparent, totalement physique, si vous voulez. On n'est pas du tout dans une pratique spirituelle. J'ai appris que le texte de Marc Aurèle se trouvait fréquemment dans les séminaires, dans les couvents. Il y a une grande utilisation chrétienne de Marc Aurèle, parce qu'on voit très bien effectivement comment on peut récupérer ça du côté d'une pratique spirituelle chrétienne. Mais ça amène forcément à des lectures fausses de l'œuvre. Et une autre de ces lectures fausses qui est liée à ça, c'est l'idée qu'il y a eu une conversion de Marc Aurèle à la philosophie. Donc, vie spirituelle implique une conversion. Il y a un moment donné où vous cessez d'être dans la vie sociale normale et vous rencontrez la philosophie. Et là, il y a tout un roman qui est construit autour de ça, à partir de la correspondance de Marc Aurèle, du jeune Marc Aurèle notamment, avec son maître de rhétorique, Fronton. Donc, on raconte que Marc Aurèle s'est détaché de la rhétorique pour la philosophie et que ça apparaît dans la correspondance avec Fronton. Et ça, c'est absolument faux. Et donc, pour le démontrer, si j'ose dire, Pierre Hadot dit qu'on n'a pas toutes les lettres, mais que certainement, dans les lettres qu'on n'a pas, Marc Aurèle devait dire à Fronton qu'il se détachait. Donc, vous voyez à quel genre de lecture faussée mène ce paradigme. Alors, on va explorer ça, justement, et la position qui est la vôtre, en écoutant un extrait, peut-être, d'une lettre que Marc Aurèle adresse à son maître Fronton, donc en gardant en tête que, contrairement à ce que disent certains historiens de la philosophie, Marc Aurèle ne se serait pas converti à la philosophie, comme sa correspondance avec Fronton pourrait sembler dire. Mais alors, de quoi serait faite cette correspondance ? Eh bien, voici un extrait lu par Jacques Gamblin. C'est très étonnant, parce qu'ici, il fait un récit de la vie ordinaire, la plus prosaïque possible, et à la fin, ce qui s'apparente à une déclaration, sinon d'amour, du moins d'admiration. Écoutons-le. Je me suis attardé au lit à cause d'un petit frisson qui semble disparu. J'ai donc passé le temps de 5h à 9h, parti à lire l'agriculture de Caton, parti à écrire, moins mal qu'hier, heureusement. Puis, après avoir salué mon père, ingurgitant de l'eau miellée jusqu'au gosier et la recrachant, je me suis soigné la gorge plutôt que je ne l'ai gargarisée, car je puis le dire, je crois, d'après Novius et d'autres. Ma gorge restaurée, je me suis rendu auprès de mon père et j'ai assisté à son sacrifice. Ensuite, on est allé déjeuner. Avec quoi penses-tu que j'ai mangé ? Avec un peu de pain, pendant que je voyais les autres dévorer des fèves, des oignons et des mandoles bien marinées. Après, nous nous sommes mis à moissonner les raisins. Nous avons bien sué, bien hurlé comme des sauvages, et nous avons laissé, comme dit un auteur, pendre aux treilles quelques survivants de la vendange. À midi, nous sommes revenus à la maison. J'ai un peu étudié, et cela sans fruit. Ensuite, j'ai beaucoup bavardé avec ma petite mère, qui était assise sur son lit. Voici ce que je disais. « Que penses-tu que fasse mon fronton à cette heure ?» Et elle, « Que penses-tu que fasse ma Gracia et notre fauvette mignonne, la toute petite Gracia ?» Pendant que nous devisions ainsi et que nous nous disputions à qui des deux aimerait le plus l'un de vous, le disque retentit, c'est-à-dire qu'on annonça que mon père s'était mis dans le bain. Une fois baigné, donc, dans le pressoir, nous avons dîné. On ne s'est pas baigné dans le pressoir, mais une fois baigné, nous avons dîné et entendu avec plaisir les plaisanteries des rustres. Rentré chez moi, avant de me tourner sur le côté pour ronfler, je déroule ma tâche et je rends compte de ma journée à mon excellent maître que je voudrais, au prix de tout mon embonpoint, désirer encore plus que je ne fais. Porte-toi bien, mon fronton, qui en tout lieu est pour moi ce qu'il y a de plus doux. Mon amour, ma volupté, qu'y a-t-il de commun entre nous? J'aime un absent. Cette lettre de Marc Aurèle à son maître Fronton, c'est sur France Culture que vous l'écoutez, lue par Jacques Gamblin sur les chemins de la philosophie. Nous parlons des pensées de Marc Aurèle cette semaine. Aujourd'hui, dernier jour, en compagnie du philosophe Pierre Vesperini, aidez-nous à comprendre ce texte magnifique, hein, c'est vrai, très très beau, parce que, alors, aidez-nous à le comprendre en lui-même, en quoi est-ce qu'il s'oppose à la notion d'exercice spirituel? On retrouve l'exercice, hein, je déroule ma tâche, dit Marc Aurèle après chaque journée, et puis ce lien bizarre, surprenant, avec Fronton, il parle d'amour, de volupté, de désir, qu'en est-il? Oui, c'est un texte, justement, c'est un de ces textes pièges, parce qu'il donne une impression de proximité. On s'est dit, bon... Et en réalité, il est plein de choses qu'il faut essayer de comprendre. Donc, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que on a affaire ici à un texte ludique. C'est un texte écrit par un jeune homme, à son maître de rhétorique, et donc à laquelle il déclare sa flamme. Mais évidemment, il n'est pas du tout question d'amour entre mon ce amour, jeune prince. Oui, mon amour, sûr, ma c'est... volupté. Oui, mais je ne parle pas comme ça à mes professeurs. Hein. Enfin, non, je ne sais pas si vos élèves vous parlent comme ça. Mais... Non, mais c'est justement, c'est un autre monde où les relations pédagogiques peuvent créer des rapports affectifs très intenses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous on imagine d'après notre culture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment le texte est lu, justement, avec une espèce de gravité, avec un tempo extrêmement lent. Oui, puis il y a la musique derrière qui vous donnez à côté. Et ça donne l'impression de quelque chose, effectivement, de grave, etc. Bon. Et donc, en fait, donc, de quoi s'agit-il? En fait, donc, il écrit à son maître à la fin de la journée et il lui fait un récit qui est un récit plaisant, en réalité. Bourré d'allusions, de jeux. Donc, par exemple, les citations qu'il fait, ce sont des citations d'auteurs que Fronton l'invite à travailler pour avoir une bonne langue. Et ça, c'est très important parce que ça montre bien qu'il n'y a pas d'opposition entre rhétorique et philosophie, puisque dans une autre lettre, Marc Aurèle dit à Fronton, c'est toi qui m'as appris à dire le vrai. C'est quand même on voit bien là qu'il n'y a pas d'un côté le maître de rhétorique et de l'autre la philosophie. C'est la langue que lui enseigne Fronton qui va lui permettre de dire le vrai, donc de dire le bien, de dire la justice. Mais ça, Aristote disait la même chose, ça, pour le coup, c'est pas le premier à le dire. Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'est simplement pour dire que il y a pas d'opposition ici. Non, mais je veux dire que dans les lectures traditionnelles de Marc Aurèle dont vous parliez tout à l'heure, on insiste toujours sur une espèce de déchirure qui aurait eu à un moment donné entre Marc Aurèle et son maître de rhétorique parce qu'il aurait embrassé la philosophie. C'est pour ça que j'insiste dessus. Pour diminuer la soi-disant conversion de Marc Aurèle, voilà, à la philosophie. Exactement. Et donc, en fait, c'est bourré de citations, mais donc c'est un élève qui s'amuse à montrer à son maître comment il maîtrise bien, comment il travaille bien. Il y a aussi un moment donné où il dit la même chose, mais en changeant l'ordre des mots. C'est un peu bizarre, il dit après avoir dit... Oui, une fois baigné, donc... Donc, dans le pressoir, nous avons dîné. On ne s'est pas baigné dans le pressoir, mais une fois baigné, nous avons dîné et entendu avec plaisir les plaisanteries des voilà, donc, bon, en traduction, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, pourquoi il se répète cette histoire? En réalité, c'est un jeu sur l'ordre des mots en latin, dans la prose latine. Donc, il y avait un effet de rythme, là, qu'on perd, c'est normal. Et voilà, pareil, quand il parle de se soigner la gorge, de se gargariser, etc., il y a tout un jeu sur le vocabulaire. Et puis, il y a tout un jeu sur l'affectivité. Donc, quand il dit qu'il a mangé un peu de pain... Pendant que les autres se gavaient voilà, de fèves. Donc là, en fait, c'est pas le philosophe qui s'abstient, etc. C'est qu'en fait, il a des problèmes d'estomac. Donc, il veut par là... attendrir un peu son maître, puis donc il y a tout. On fait effectivement, enfin c'est Michel Foucault, en fait, Michel Foucault, ouais. On va en parler, dans ses leçons au Collège de France, a eu le grand mérite donc de mettre l'accent sur cette lettre et d'une façon générale sur ce corpus des lettres de Marc Aurèle à Fronton. Parce que ce qui est absolument incroyable, c'est que ces lettres de Marc Aurèle à Fronton n'ont pas été traduites en français depuis 1830. C'est incroyable. Oui, c'est votre traduction d'ailleurs qu'on a entendu oui, tout oui, à l'heure. Oui, oui, oui. Mais c'est une traduction de cette lettre. Mais ce travail reste à faire. Et c'est pour vous essentiel pour comprendre la pensée de Marc Aurèle. C'est fondamental. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on voit justement ce que c'est que la vie, la vie d'abord d'un prince et puis la vie de l'empereur ensuite. Oui, parce que là, il n'est pas encore empereur. Non, là, il n'est pas empereur. C'est encore une fois, c'est un jeune homme qui a cette vie de loisir. Et donc, c'est d'ailleurs amusant, le texte a été traduit en 1830 par un jeune préfet. C'était une autre époque. Donc, les préfets traduisaient... Du Marc Aurèle, qui sait, On venait de découvrir ouais. Cette correspondance, Marc Aurèle Fronton, dans un palimpseste de la Bibliothèque Vaticane. Bon. Et donc, Foucault sort ce texte. D'ailleurs, il dit, ce que je viens de vous dire, il dit, c'est incroyable, ça n'a pas été traduit depuis 1830. Bon, ben là, donc, je le redis. Mmh. Et donc, il va lire ce texte comme un examen de conscience. Il le dit textuellement. Donc, dans la tradition des exercices spirituels mis en avant par Pierre Hadot, Michel Foucault dit, ben voilà, effectivement... c'est d'exercice spirituel et ce texte-là, c'est un examen de conscience. Et son maître, c'est Fronton. Alors évidemment, ça pose un peu problème que le maître, que le directeur spirituel, parce que ces mots sont employés, même si le terme remonte au Concile de Trente, mais donc, Fronton est donc le directeur spirituel de Marc Aurèle. Alors c'est un peu embêtant parce qu'il n'est pas philosophe, il est maître de la rhétorique, bon, mais on s'arrange, c'est pas grave, c'est un ami, et donc il peut jouer le rôle de directeur spirituel. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que Foucault va couper le texte à certains endroits. Pas par malhonnêteté, mais c'est parce qu'il ne sait pas quoi en faire, ça rentre pas vraiment dans sa lecture, par exemple les citations d'auteurs, par exemple les diminutifs qui jouent sur l'affectivité, certaines plaisanteries sont coupées. Pour rendre le texte plus sérieux. Et le sommet de cette analyse, c'est quand Marc Aurèle dit qu'il se couche sur le côté pour ronfler. Oui. Parce que là, Foucault dit, dans le corpus médical, on se couchait sur le côté pour éviter des pollutions nocturnes. Donc, c'est le gage d'un sommeil chaste. Bon. Donc, tout d'un coup, voilà, en fait, Marc Aurèle dirait à son directeur spirituel, tu vois, je me couche sur le côté, c'est bien, bon. Vous voyez, donc on arrive à des lectures qui tirent le texte vers la chasteté, alors qu'il n'est absolument pas question de ça. Il est question d'offrir à son maître un récit ludique de sa journée. C'était, si vous voulez, les lettres à Rome, les lettres qu'on s'échangeait entre amis. Elle remplaçait les entretiens. En latin, on parle de sermo. Mmh. Et donc, c'est un entretien à distance. Et l'entretien entre les amis doit être gouverné par le plaisir, par la douceur, par le charme. Et cette lettre est placée entièrement sous le signe de la douceur. Mais ce que vous dites, c'est que... Et d'ailleurs, c'est... pas une nouveauté, enfin on le sait, mais c'est difficile de l'accepter ou d'en mesurer les conséquences, c'est que l'histoire de la philosophie a transformé la lecture de ce texte, qui se situe plutôt à l'origine, enfin il y a bien longtemps, et qu'en fait si on retourne au texte lui-même sans l'interprétation de Michel Foucault, sans l'interprétation de Pierre Hadot, on découvre un autre Marc Aurèle. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé jusque-là? Jusqu'où prenez-vous vos distances? Est-ce que ce sont des contresens qui ont été faits avant, et maintenant vous revenez au texte et vous montrez que c'est différent, ou c'est une autre proposition de lecture? Oui, ça c'est une bonne question. Et puis c'est vrai pour tellement d'autres philosophes alors dans ce cas. Pas que pour oui, Marc Aurèle. Non, alors, effectivement, c'est une bonne question. Je ne dirais pas que c'est une autre proposition de lecture simplement arbitraire, subjective. C'est une proposition de lecture qui s'appuie sur une méthode qui consiste à resituer le texte dans son monde, donc en le confrontant à d'autres textes, à d'autres corpus textuels. Et ça, c'est quelque chose qui se fait trop rarement en histoire de la philosophie. Je l'ai vu notamment récemment avec Lucrèce. Si vous voulez, les gens qui font de l'histoire de la philosophie antique en général ne lisent pas beaucoup les historiens, ne lisent pas beaucoup les poètes. Et donc, le texte est un peu isolé. Et donc, ça permet de le lire sans remettre en cause, je dirais, un programme de lecture qui nous a été donné dans notre formation académique. Parce qu'en fait, nous tous qui étudions ces textes, nous avons fait des études, donc on nous a dit des choses, on nous a transmis un certain savoir sur ces textes. Et après, il est extrêmement difficile de les lire autrement. Ça nous paraît naturel que Marc Aurèle soit un philosophe stoïcien, que Lucrèce soit un philosophe épicurien ou un poète épicurien, tout ça paraît aller de soi. Et donc, la méthode que j'essaye de mettre en œuvre consiste à essayer un peu à la Descartes, si vous voulez, d'oublier tout ce qu'on a appris à l'école. Faire table rase. Oui, de suspendre ce qu'on a appris à l'école. Ça aussi, c'est une démarche très cartésienne. Bon, l'école nous met certaines idées dans la tête, il faut à un moment donné les suspendre, et puis se retrouver seul face au texte, et dissoudre, si vous voulez, les frontières qui isolent ce texte de sa société. Ce faisant, vous remettez en question une manière d'enseigner la philosophie, en France et ailleurs sans doute. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de l'enseigner autrement, ou est-ce que tout enseignement n'est pas forcément tributaire d'une grille de lecture qui est celle du professeur, d'un système de pensée qui est celle du philosophe quand c'est le cas de Foucault? On n'est jamais absolument tout seul face à un texte. Oui, alors pas complètement en fait. L'enseignement traditionnel de la philosophie, c'est essentiellement un enseignement d'histoire des idées. Et que vous avez suivi d'ailleurs. Oui. Vous étiez à l'école normale supérieure, oui, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que je ne fais pas exactement la même chose. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les idées en elles-mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on fait usage des idées dans la vie, et pas forcément dans la vie d'un philosophe, mais comme ici, dans la vie d'un homme. Donc, en fait, c'est même pas deux approches différentes, ce sont deux métiers différents. Vous voyez ? Et alors, quels sont ces deux métiers? Alors, il y a un métier qui consiste à étudier des théories, des idées, voir comment de tel à tel auteur elle change. Et puis, il y a un métier qui consiste à se demander comment ces idées étaient vécues dans la société. Mm. Et ça, ce sont vraiment deux choses différentes. On va revenir aux pensées. Fort de cette explication, on va entendre deux textes qui vont être lus. Alors deux textes cette fois-ci, je crois, moins amusants que la lettre que Marc Aurèle écrivait à Fronton qu'on a entendu tout à l'heure, mais passionnants et très précis, vous verrez, parce qu'il permet de définir, nous semble-t-il, la droiture qui vous est chère. Hein. On a parlé, votre livre s'appelle « Droiture et mélancolie », vous avez insisté sur l'importance de la droiture chez Marc Aurèle. Écoutez comment lui-même en parle dans deux pensées différentes, au livre 3, la pensée 4, au livre 5, la pensée 9. Il faut s'habituer à ne penser que des choses telles que si l'on te demandait « Que penses-tu maintenant ?» tu puisses répondre sur le champ ceci et cela avec franchise. De sorte qu'il sera évident, à partir de tes réponses, que tout en toi est simple, bienveillant, pensé par un vivant sociable, qui ne se soucie pas des plaisirs, ni en un mot de toutes les images érotiques, ni de la gloire, ni de la calomnie, ni des soupçons, ni de tout ce qui te ferait rougir si tu devais dire que c'est à cela que tu penses. ne sois pas dégoûté de toi. Ne renonce pas. Ne t'énerve pas si tu ne fais pas toujours chaque chose à partir des décisions droites. Au contraire, quand tu es par terre, relève-toi et reviens. Et réjouis-toi si, dans l'ensemble, tes actions sont plus dignes de celles d'un homme. Aime ce vers quoi tu retournes, et ne reviens pas à la philosophie comme vers une maîtresse d'école, mais comme ceux qui souffrent des yeux demandent une éponge et un œuf, et d'autres un cataplasme ou une compresse. Souviens-toi aussi que la philosophie est seule à vouloir ce que veut ta nature. Et toi, tu voulais autre chose qui n'est pas selon la nature. Ainsi, loin de faire étalage de ton obéissance au Logos, tu trouveras en lui le repos. Mais qu'y a-t-il de plus séduisant que ces choses? N'est-ce pas par là que le plaisir nous fait tomber? Oui, mais regarde si la grandeur d'âme, la liberté, la simplicité, la clémence, la piété ne sont pas plus séduisantes. On retrouve le dialogue de Marc Aurèle avec lui-même, hein, Pierre Vesperini, dans ses pensées. C'est pas un interlocuteur extérieur, c'est lui-même. Alors, qu'en est-il de cette droiture, des décisions droites dont parle ici Marc Aurèle? En quoi sont-elles droites et qu'est-ce qui n'est pas droit alors? Quel est le contraire de la droiture? Oui, donc là, on a affaire à un autre Marc Aurèle. C'est Marc Aurèle qui est devenu empereur. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que il n'est pas devenu empereur, ça n'allait pas de soi qu'il devienne empereur. Il a été choisi par Adrien, qui a demandé à son successeur, Antonin, de l'adopter pour qu'il soit empereur à son tour. Et en fait, ce que je crois, d'après la correspondance et d'après les pensées, c'est qu'en fait, Marc Aurèle n'avait absolument aucune envie d'être empereur. Il avait envie de continuer un peu cette vie à laquelle il aurait tout à fait pu avoir accès puisqu'il était une des familles les plus riches de Rome, donc il vivait dans... Et donc pour lui c'est très difficile cette vie de... Il ne faut pas oublier qu'il a son règne était essentiellement un règne de guerre, hein. Dion Cassius dit qu'en fait il a fait la guerre pendant tout son règne. Et alors que les règnes précédents avaient été des règnes plutôt pacifiques. Et puis, il y a la vie à la cour dont il se plaint beaucoup. Il y a les calomnies, les flatteries, les complots. Donc, il y a eu un complot qui a échoué pendant son règne, entre autres. Mais donc, c'est une vie très difficile. Donc, pour lui, être droit, c'est faire son travail d'empereur. Donc faire son travail d'empereur, ça veut dire, comme il le dit, c'est veiller sur le genre humain. Parce que l'Empire romain, c'est à l'époque, c'est le monde, c'est le monde connu. Donc il a la charge du genre humain. Et ça, c'est l'imaginaire romain de l'Empire, qui d'ailleurs vient en partie de la philosophie, c'est l'empereur est envoyé par la providence divine pour veiller sur le monde. Donc il est là, à sa place, il doit accomplir suivre une route droite, tenir son cap, ne pas, comme il dit, ne pas vagabonder, ne pas se laisser aller. Et dans les deux petits textes qu'on a entendus, il y a deux choses qui l'ont fait dévier. La première, c'est la colère. Il parle de son irritation, et ça, il était sujet à des accès de colère. Oui, ça revient souvent dans les pensées. Ça revient très souvent. Ouais. Et l'autre, c'était un désir. Il a eu il a désiré, on ne sait pas quoi. Les écrits sont assez pudiques de ce point de vue-là. Mais il dit, tu désirais quelque chose qui n'était pas selon la nature. Il dit, mais qu'y a-t-il de plus séduisant que ces choses? Bon, on ne saura pas quoi. Mmh. Et oui, mais non. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique de ces écrits qu'il s'adresse à lui-même pour se ramener à la droiture, selon une pratique courante à l'époque. Droiture morale ou droiture sociale? Mais c'est indissociable, parce que vous voyez, il dit un vivant social. C'est ça. Koinonikos. Et le premier texte est extrêmement important, à mon avis, pour... alors là, je vais aller plus loin dans la critique de Michel Foucault, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, on aurait affaire avec la philosophie antique à l'époque romaine, à des processus de subjectivation, à un devenir sujet, puisqu'on voit bien que quand il dit « il faut que tu penses des choses telles que, si on te demande à quoi tu penses, tout de suite, tu réponds et tu n'aurais pas à rougir ». Ça veut dire que votre vie intérieure doit être absolument transparente pour la société. C'est assez extraordinaire. faut répondre quelque chose, peu importe si c'est vrai ou pas. Ah non, non, non. Il faut répondre ceci ou cela. Non, non, il faut la vérité. Ceci ou cela, mais de toute façon, quelque chose dont tu n'es pas à rougir. Ça n'importe pas ce que tu as. Mais il faut que ça soit vrai, évidemment. Il faut que tu sois vraiment en train de penser ces choses. Et surtout, il faut que tu dises ça. Il faut que ce soit vrai. Il parle de parésia. Il faut le dire. Parésia, repris par Foucault, le discours vrai, voilà, le dire vrai. Le dire vrai sur soi. Donc, on a tout un discours de Foucault sur le dire vrai sur soi. Comme, y compris en politique, d'ailleurs, aussi. Voilà, comme processus de subjectivation. Et j'aime beaucoup opposer à ce texte un texte de Winnicott où il parle de Jung. Il parle des mémoires de Jung et donc il raconte le dialogue entre Freud et Jung sur le bateau qui les mène aux États-Unis. Donc en fait, Freud commence à essayer de psychanalyser Jung. Et donc Jung raconte un rêve, donc il rêve à un moment donné de deux crânes. Et alors, en fait, Freud est très, très intéressé par ces crânes, il veut savoir, et en fait donc, Jung sait très bien ce que Freud pense, qu'il a un désir de mort à son égard, à lui, Freud. Et en fait, Jung lui ment. Il dit c'est ma femme et ma belle-sœur. C'est pas vrai, en fait. Mais il dit ça pour se débarrasser, finalement. Et Winnicott a cette phrase qui est très juste. Il dit Jung devait mentir à Freud ou commencer une psychanalyse avec lui. Et non, ce que veut dire Jung, c'est que le mensonge est absolument fondamental pour la construction de soi, pour la construction de ce qu'il appelle le vrai self, le vrai soi. C'est extrêmement important, parce qu'on voit ici qu'on est justement dans une société totalement différente de la société dans laquelle vivait Marc Aurèle, une société où justement on fait droit à la légitimité d'un soi intérieur, indépendant de l'extérieur, qui est droit à une vie secrète, à un jardin secret. Et donc, si on vous somme de dire à quoi vous pensez, ben vous avez le droit de mentir. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est ça. On a le droit de mentir. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Ouais. Mais ça, c'est pas du tout ce que dit Marc Aurèle. Non, Marc Aurèle vous dit non. Il faut penser toujours des choses socialement acceptables. C'est-à-dire que selon Jung, le vrai moi ne va pas en psychanalyse aussi, avec Freud en tout cas. Ben non, parce qu'effectivement, Jung se serait assujetti à un maître, ouais, etc. Donc il ne serait pas devenu lui-même. C'est ça que dit Winnicott dans ce texte. Alors cette droiture, donc vous l'avez dit, morale et sociale finalement ne sont pas distinguables parce qu'il s'agit de bien se comporter. Au fond, c'est ça. On pourrait lire la pratique que décrit Marc Aurèle dans ses pensées comme étant l'énoncé d'autant d'attitudes à adopter en société. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est ce à quoi tout se ramène, donc s'il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a pas forcément de spiritualité, ni même, alors je ne sais pas ce qui reste de la philosophie, mais ça veut dire que le fond de l'affaire, c'est bien se comporter en société, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est quelque chose que vous trouvez d'ailleurs chez Epictète aussi. Donc bien vivre, c'est bien se comporter au banquet, bien se comporter au lit, bien se comporter évidemment dans l'espace public, mais ça va jusqu'à des choses extrêmement détaillées. Par exemple, dans les écrits de Marc Aurèle, par exemple, quand il fait l'éloge de Antonin, son père adoptif, l'empereur auquel il a succédé, qui est un modèle pour lui, un modèle éthique, il se définit d'ailleurs comme disciple d'Antonin. Le seul moment où il se définit comme un disciple, c'est pas disciple des stoïciens, c'est disciple d'Antonin. Et donc, il montre tout ce qu'il faisait bien, les sacrifices, comment il sacrifia lui-même personnellement les animaux. Sacrifice très important de l'empereur qui porte sur le salut de l'Empire. Et il mentionne notamment le fait qu'il déféquait toujours à la même heure. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il avait une vie extrêmement réglée. Ça témoigne du fait qu'il n'avait pas une vie déréglée, comme le frère de Marc Aurèle qui, lui, passait son temps dans les banquets. Mais alors, comment est-ce que ça, c'est compatible avec ce qu'on a vu hier, par exemple, toutes les pensées que Marc Aurèle écrit sur la mort, la difficulté d'accepter que l'on va mourir? Là, on n'est plus dans la vie sociale, c'est soit face à la mort, comment faire en sorte de ne plus craindre la mort? Ah mais non, mais c'est fondamental, justement, parce que si vous êtes obsédé par la crainte de la mort, vous ne pouvez pas faire votre travail. Lui, il a oui, ça, c'est pas social. C'est pas par rapport au regard des autres, c'est pas par rapport à la place qu'on occupe en société. C'est vraiment soi. Là, on est obligé de postuler un rapport, alors sinon subjectif, sinon de vie intérieure, au moins d'un sujet face à la mort. C'est ma mort, c'est pas la mort dont il s'agit. Oui, alors oui, si vous voulez. Alors justement, il s'agit de ramener ce sujet qui est enfermé dans un rapport avec lui-même. Il faut le ramener à la société. Vous D'accord. Voyez donc dissiper toute forme de. Et s'il est au fond, quand il pense à la mort, il a peur. Donc c'est un de ces affects dont je parlais au début, ces affects dégradants qui font que votre visage change, parce que les affects changent le visage. C'est très important, le visage que vous avez en société. Si vous êtes en société, quand on voit que vous êtes obsédé par la mort, c'est compliqué. Donc il faut qu'il redevienne droit en considérant que ça n'a aucune importance, qu'il faut qu'il meure comme, il dit, comme l'olive. Il y a un très beau texte où il dit il faut mourir comme l'olive qui mûre, tombe de l'arbre et bénit l'arbre qui l'a porté. C'est très beau. Et puis aussi, il y a aussi chez Marc Aurèle, il y a une aspiration à la mort parfois, justement parce qu'il n'en peut plus. C'est une vie très difficile, donc il y a des pensées qui expriment un désir de mort parfois. Parfois il dit que la mort tarde à venir, etc. Donc en fait, si vous voulez, oui, bien sûr que c'est quand Marc Aurèle s'écrit à lui-même, il n'est pas en société. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a une, dans ce point de vue-là, on peut parler de vie intérieure. Mais cette vie intérieure a un horizon qui est toujours social. Tout ce qu'il s'écrit à lui-même, il l'écrit pour pouvoir tenir son rôle social. C'est en fait, c'est Balthazar Gratian avant l'heure. Alors peut-être, oui, peut-être. Ça veut dire, si je vous suis bien, encore un point, puis on écoutera un dernier texte, c'est le dualisme que vous remettez en question. En fait, c'est la disparition entre l'exercice spirituel, l'existence même d'une âme qui serait très différente du corps. Au fond, ça ne tient même plus dans votre, dans votre interprétation. Non, parce que d'ailleurs, ça, encore une fois, c'est dans le texte. L'âme, c'est le fil, c'est les fils qui tirent la marionnette. Nous sommes des marionnettes tirées par l'âme. Donc en fait, quand vous travailler sur votre âme, c'est-à-dire en fait sur vos représentations, ce que vous vous racontez dans votre tête, c'est extrêmement concret, ça a une conséquence immédiate dans votre vie. Donc c'est même pas qu'on remplace l'âme par le corps, mais c'est que le corps n'est jamais dissociable de l'âme. Si vous voulez, c'est un peu comme l'âme, c'est un peu comme le volant d'une voiture. Je veux dire que vous pouvez pas ontologiquement. Il n'y a pas de différence ontologique entre un volant et une voiture. Mm. C'est la même chose. Et il y a d'ailleurs un mot très intéressant qu'il emploie, c'est le mot de philopsychos. Donc nous, on traduirait par qui aime son âme. Et en fait, psychos, en fait, philopsychos, ça veut dire qui aime sa vie. C'est le lâche, en fait, qui est philopsychos. Donc on voit bien que la psyché, c'est vraiment l'âme en tant qu'elle anime un corps. Et donc, si vous aimez votre psyché, vous êtes un lâche parce que vous êtes trop attaché à la vie. On va entendre un dernier texte que vous nous avez proposé, Pierre Vesperini, un texte d'Olugel, qui va nous éclairer sur ce que vous entendez par mélancolie, hein, puisque c'est l'autre concept que vous mettez en avant dans votre ouvrage. Dites-nous qui est cet Olugel et comment, ce qu'il faut savoir de ce texte avant de l'écouter. Oui, alors bon, ce texte est donc écrit par un auteur qui était extrêmement connu, qui est vraiment un des grands auteurs redécouverts par les humanistes. C'est un contemporain de Marc Aurèle, et donc il a écrit un recueil de courts textes qui s'appelle Les Nuits Attiques. Donc, dans ce texte, alors c'est un texte très hétérogène, comme souvent ce genre de texte, comme les Moralia de Plutarque. Donc, il raconte des histoires qui lui sont arrivées, ou alors il fait des extraits de lectures qu'il a faites. C'est très érudit, et donc souvent il raconte, et c'est ça qu'on va entendre. Il raconte des scènes qui lui arrivent. Donc, c'est un riche chevalier lettré, comme toute cette aristocratie impériale. Et donc, voilà, il y a des scénettes assez intéressantes. Bon, alors voici le texte lu par Jacques Gamblin. On a donc Domitius, présentez-nous peut-être les personnages de Domitius, et Favorinus, et le narrateur. Alors, Favorinus, c'était la grande star de l'époque. C'est un de ces grands savants, c'est un philosophe. Il se définit comme philosophe, même s'il ne fait pas partie aujourd'hui de l'histoire de la philosophie. Mais donc, c'est un de ces grands philosophes de l'époque. Et Olugel, donc, comme d'autres jeunes gens de l'aristocratie, bon, il l'accompagne, il l'écoute, il assiste à ses conférences, à ses dialogues, à ses disputes aussi avec ses collègues. Et là, on a donc une rencontre entre ce Favorinus et un personnage complètement fou, qui est j'emploie un mot latin, c'est un grammaticus, bon, qu'on peut traduire Bah, on va parler dans le texte, de toute façon, ouais. Mais en fait, donc, le Grammaticus à Rome, c'était une espèce de professeur de littérature. Et donc, c'était un personnage assez étonnant parce qu'il était très solitaire et on le surnommait le fou. Donc, c'est Domitius dans le texte. Oui, ouais. Et il était surnommé le fou, mais il était très fréquenté. Il avait énormément de succès aussi. Bon, écoutons le texte, vous nous expliquerez ensuite. Il n'y a vraiment plus d'espoir, dit Domitius, et nous sommes perdus, puisque même vous, les philosophes les plus connus, vous n'avez plus rien d'autre à cœur que les mots et les autorités en matière de mots. Mais je t'enverrai un livre où tu trouveras ce que tu cherches, car moi, le Grammaticus, je cherche la science de la vie et du bon comportement. Mais vous, les philosophies, vous n'êtes, comme le dit Caton, que des linceuls. Vous colligez des glossaires et des mots de rien du tout, choses hideuses, folles et misérables, comme les formules des pleureuses. Ah, si seulement, dit-il, nous les hommes, nous étions tous muets. La méchanceté y perdrait un de ses instruments. Nous partîmes, et Favorinus dit... Ce n'était pas le moment d'aborder cet homme. Il me semble en effet être en plein délire. Sachez cependant, dit-il, que ce déséquilibre qui a pour nom mélancolie n'est pas le lot de caractères bas ou petits. Au contraire, il s'agit pour ainsi dire d'une maladie de héros, consistant à dire des vérités d'une façon généralement énergique, sans tenir compte ni des convenances ni de la mesure. Que pensez-vous, par exemple, de ce qu'il a dit sur les philosophies? Si c'était Diogène ou Antisthène qui avait dit ça, est-ce que ça n'aurait pas semblé digne d'être conservé? Malheureusement, il nous reste quelques minutes à peine, Pierre Vesperini, pour commenter ce texte. On retient une idée, la mélancolie est définie comme étant une maladie de héros. Oui. En quel sens et en quoi est-ce que ça s'applique à Marc Aurèle? Alors ça, c'est une idée très courante dans l'Antiquité, qu'on rencontre dans le problème 30 d'Aristote, où en fait, Aristote dit que les natures exceptionnelles sont souvent mélancoliques, donc elles ont un excès de bile noire qui les conduit... Donc voilà, la mélancolie, c'est la bile noire, et ça les conduit à avoir des comportements, comme on vient de le voir là, un peu déséquilibrés. Et donc il dit une maladie de héros. Et un des symptômes de la maladie ici, c'est qu'il dit la vérité, il dit tout ce qui lui passe par la tête, sans tenir compte de la convenance. Et je voulais proposer ce texte parce que Marc Aurèle, à un moment donné, emploie la notion de vérité héroïque. Et on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, en fait. Pourquoi il parle de vérité héroïque? Et en fait, parfois, même les éditeurs du texte voulaient corriger le texte ici. Et en fait, ce texte-là d'Olugel montre qu'à l'époque même de Marc Aurèle, on a donc un texte qui fait le lien entre la mélancolie, le caractère héroïque et le fait de dire la vérité, de tout dire. Et donc Marc Aurèle s'enjoint donc dans cet écrit à dire les choses sans embâge, exactement comme le fait Domitius ici. Et c'est un des indices qui montre que le tempérament de Marc Aurèle pour l'époque est un tempérament de mélancolique. Tempérament de mélancolique qui en même temps est assez valorisant pour Marc Aurèle puisque ça l'apparente au héros. C'est ça, donc lui-même, en écrivant pour lui-même, prend soin de brosser un portrait de lui-même qui serait flatteur. C'est très important chez lui, et d'ailleurs Fronton le taquinait parfois là-dessus, l'image qu'il donne de lui-même. Est-ce qu'il vous est sympathique, Marc Aurèle? Ah oui, c'est une bonne question. Tout homme est sympathique, je dirais, à peu près. Ça, c'est non, une c'est manière vrai. De botter en touche, non? Non, je ne botte pas du tout en touche, non, bon, c'est pas mon genre. Je veux dire qu'à partir du moment où on comprend quelqu'un, ouais. il y a quelque chose de sympathique chez lui. Et après, en tant que citoyen d'aujourd'hui, non, il n'est pas du tout sympathique. La législation de Marc Aurèle sur les femmes, sur les esclaves, était absolument affreuse. Ça marche pour toute l'Antiquité, c'est vrai. Oh, mais c'est très caractérisé chez Marc Aurèle. Il a été bien pire qu'Antonin et Adrien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler ce matin, malgré tout. Droiture et mélancolie sur les écrits de Marc Aurèle, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions Verdier. On se quitte avec de la droiture en chanson, Bob Dylan, Do Right to Me Baby. Don't wanna judge nobody, don't wanna be judged. Don't wanna touch nobody, don't wanna... wanna be tough. Don't wanna hurt nobody. Don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they wise dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them. Shoot nobody, don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody, don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody, don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them. Have them do unto you. Don't wanna burn nobody. Don't wanna be burned. Don't wanna learn from nobody what I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody. Don't wanna be cheated. Don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Like you have them. Do unto you. Don't wanna wink at nobody. I don't wanna be winked at. Don't wanna be used by nobody for a dumb man. Don't wanna confuse nobody. Don't wanna be confused. Don't wanna amuse nobody. I don't wanna be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Say like you have them. Do unto you. Don't wanna betray nobody. Don't wanna be betrayed. Play with nobody. Don't want to be waylaid. Don't want to miss nobody. Don't want to be missed. Don't put my faith in nobody. Not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you have them. Like you have them. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, on en a tous entendu parler, l'affaire Mila a agité l'opinion publique. Mila, du nom de cette jeune femme qui a tenu des propos critiques, blasphématoires à l'égard de l'islam, dans une vidéo YouTube et qui s'est vue en retour insultée, attaquée sur le fait d'être une femme lesbienne, harcelée jusqu'à être déscolarisée. De cette affaire, on a presque tout dit. La question de la liberté d'expression, du blasphème, celle du cyberharcèlement, le silence d'une partie de la gauche et de certaines associations LGBT et féministes pour prendre la défense de la jeune femme, l'immaturité de la protagoniste aussi et l'erreur de la garde des Sceaux qui a parlé d'insultes à la religion. Je n'ai rien à ajouter à tout cela, cette affaire a été plus que traitée, analysée, détricotée. Elle a pourtant retenu mon attention parce qu'elle me semble paradigmatique de toutes ces polémiques qui ponctuent notre actualité. De l'ironie antiféministe d'Alain Finkielkraut au jugement de la personne de Greta Thunberg, elle pose la question de l'opinion et de ce drôle de paradoxe. Alors que la démocratisation de la prise de parole est indéniable, l'opinion reste toujours mal vue, irrationnelle, irréfléchie, débile. Que n'importe qui puisse donner son opinion serait bien sur le papier, mais en vrai, ça mettrait tout le monde mal à l'aise. Pourquoi un tel écart ? Les libertés d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Dire ce qu'on pense, exprimer ce que l'on a dans la tête, faire entendre ce qui nous semble juste, injuste, vrai ou faux, bon ou mal, marteler son avis, dans la vie, sur les réseaux sociaux, dans les espaces « Laissez vos commentaires », dans le livre d'or aussi, à la sortie des musées ou des restaurants, sur les sites d'évaluation, avec des pouces ou des étoiles. Platon, qui reprochait à l'opinion d'être en deçà de la vérité, de l'ordre de la croyance et de l'illusion, doit se retourner dans sa tombe. Car il faut le dire, avec tout cet ensemble de lieux et d'espaces pour s'exprimer, tout cet ensemble de moyens pour être formulé, l'opinion doit vivre une époque vraiment formidable. Mais puisque tout le monde donne son avis, moi aussi je vais donner le mien. Je ne crois pas que le seul problème de l'opinion soit, comme le pensait Platon, son manque de vérité. Ce qui me frappe plutôt, c'est que l'opinion a ceci de particulier qu'on ne la garde jamais pour soi. Est-ce bien? Est-ce mal? Évidemment, là-dessus, les avis sont partagés. Certains regrettent la politesse du silence, d'autres louent cette agitation de l'espace public. Le comble est quand même là, donner son opinion à propos de l'opinion. C'est d'ailleurs l'autre caractéristique de l'opinion. Elle n'est jamais finie, elle n'est jamais close. Une opinion en entraîne forcément une autre, c'est comme un jeu de passe-passe. Entre sa nécessaire expression et sa tendance exponentielle, il faut le dire, et son problème est là, l'opinion a un côté insupportable, envahissant, sans fin. Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Rendez-vous demain soir à 20h50 sur LCI pour la grande confrontation. Université, politique, médias, humoristes, la liberté d'expression est-elle en recul? Ou bien y a-t-il une plus grande sensibilité face aux expressions blessantes? Intellectuels, avocats, militants, hommes de spectacle, ils répondent et ils en débattent. La grande confrontation, toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Alors on l'a bien compris, le problème de l'opinion est là, dans sa profusion décousue, désordonnée, floue et pas vraiment dans son manque de véracité. Au point qu'on en vient à vouloir l'épurer, la trier. Les opinions ne seraient plus vraies ou fausses, des opinions seraient bonnes et d'autres non. De la même manière, certains pourraient être crédités de bonnes opinions et d'autres de mauvaises opinions. Les représentants politiques sont mal aimés des Français, annonce sondage à l'appui le journal du dimanche. 70% d'entre eux jugent en effet leur carrière trop longue, 2/3 qu'elles sont trop bien rémunérées et seulement 26% que ces derniers sont proches de leurs préoccupations. En première ligne, les députés et les sénateurs ne récoltent qu'un tiers de bonnes opinions. Les nombreuses dégradations envers des permanences d'élus seraient d'ailleurs l'un des symptômes de cette crise de confiance. Voilà donc ce qui me surprend aujourd'hui. On ne dévalorise pas l'opinion, on ne veut pas, comme l'entendait Platon, l'évincer, on veut la préserver mais en la cadrant, en la maîtrisant, en lui mettant des bornes. Mais est-ce encore de l'opinion? Est-ce encore de l'opinion si elle est formatée, fabriquée, bornée, si elle n'est plus spontanée, si elle n'est plus insupportable et envahissante? L'opinion et son traitement révèlent, je crois, une des grandes problématiques de notre espace public démocratique. L'idée admise que s'exprimer, c'est bien, mais que s'exprimer bien, c'est mieux. Eh bien, je plaide pour ma part pour le contraire. S'exprimer, peu importe la manière. L'opinion, parce qu'elle est sans fin, parce qu'elle expose franchement le fort intérieur d'une personne, est de fait insupportable. Et c'est là, dans cette dimension insoutenable, que commence le dialogue, l'affrontement, l'échange. Sinon, ce n'est que du bavardage. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son Anthony Thomasson, à la lecture des textes Jacques Gamblin. Demain, je vous propose de redécouvrir un profession philosophe en compagnie d'Isabelle Stengers. Diffusée en janvier dernier, Isabelle Stengers, de la science à la sorcellerie. D'ici là, si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram sur le compte des Chemins de la Philosophie. À demain, 10h. D'ici là, restez chez vous, à l'écoute de France Culture.